En deuxième partie, je vois qu'on a chacun nos notes. Oui, où? Les miennes sont des choses passées, les tiennes sont des choses à venir. Ça, alors je vais donc finir quand même d'expliquer la partie. Oui. C'est, on a terminé la première partie sur les stratégies pour voir l'amplitude de l'handicap qui nous empêche de bouger. Bon. Alors, je vais barbouiller. Ah, mon Dieu, Seigneur. Sympa. Un peu plus, puis j'agressais la métacognition. Dans le cerveau. Bon, c'est une bonne stratégie. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de gens pour l'utiliser. Il faut tout organiser sa vie. Ce qu'il faut faire, il faut faire un peu comme les moines, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il faut prendre tout ce que l'on a, puis il faut le donner, pas à moi, là. Il faut le donner à une compagnie X. Compagnie virtuelle, une compagnie qui n'existe pas, mais qui existe. Mm-hmm. Alors, je prends l'exemple de Jacques. Tout ce que tu as, tu le donnes à la compagnie. Et tout ce qui va te rester, toi, c'est de l'argent. Soit le salaire que tu as, soit l'argent que ta retraite d'ex-vétéran te rapporte, ton dernier hold-up. Alors, il vous reste l'argent. Ça veut dire que vous devez donner à la compagnie votre maison, ce qui implique que vous devrez payer un loyer. Ça veut dire que vous devez louer tous vos meubles. Vous donnez vos meubles à la compagnie, donc vous devez louer vos meubles. Ça veut dire que vous allez maintenant, à partir d'aujourd'hui, utiliser le téléphone de la compagnie. Vous devriez donc payer probablement un truc de base pour louer le téléphone et le service et payer à chaque utilisation. Vous allez devoir aussi payer l'électricité. Vous allez devoir payer l'utilisation de tout ce qui se trouve dans votre maison. Vous allez devoir donner votre automobile à la compagnie, louer l'automobile. Ça veut dire que à chaque fois maintenant que vous allez poser un geste, faire quelque chose, c'est le devoir le payer. Ça veut dire que, par exemple, quand vous allez aller acheter du papier de toilette, il faudra aller l'acheter avec l'argent de la compagnie. Il faudra que vous achetiez chaque petit carré de papier que vous allez utiliser. Alors, si vous avez dans votre salle de bain, toi, tu es dans la salle de bain, tu as un petit cartable avec une note pour noter le nombre de papiers que tu prends, parce qu'il faut que tu le payes. Il va se passer quoi? Je vais sauver de l'argent. C'est certain. Chaque fois que vous utilisez un Kleenex, vous devez le noter parce que ça vous coûte peut-être une cent par Kleenex. Alors, les gens, quand ils se mouchent, il faut qu'ils fassent puis qu'ils en sortent quatre, pour se moucher un coup, ils vont commencer à en sortir moins. Vous devez noter parce que vous devez payer à chaque fois que vous allez utiliser un bien ou un service, de façon à vous faire prendre conscience de ce qui vous entoure et de comment vous le gérez. On pourrait dire comment vous ne le gérez pas. vous établissez ce système-là dans votre vie, vous allez probablement doubler votre salaire rapidement en ayant la moitié moins de dépenses. Toutes les personnes à qui j'ai fait le budget à un moment donné, des personnes, soit des employés, soit des amis, qui n'arrivaient pas, eux, leur première vision, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent qui entre. Et toutes les personnes que j'ai pris en main, après quelques mois, ils avaient payé leurs dettes, ils avaient mis de l'argent en banque, ils n'avaient toujours pas eu d'augmentation de salaire à l'entrée. Et toutes les personnes qui ont des problématiques sont toujours convaincues que déjà, ils font ce qui se fait de mieux. Mais vous n'avez pas les outils pour voir ce que vous faites. Alors, chaque fois que vous prenez l'automobile, vous payez le service de base à la compagnie. Si, par exemple, ça vous coûte 600 $ par mois pour votre automobile ou 200 $ par mois pour votre automobile, c'est le service de base. Ça, à chaque mois, vous devez donner ça à la compagnie. Elle va payer l'automobile. Et là, vous voulez prendre l'automobile, pas de problème. C'est 5 $ à chaque utilisation. Alors, je prends l'automobile, 5 $ à la compagnie. La compagnie va s'enrichir. Ou bien, vous allez commencer à économiser. Mais vous allez prendre conscience. Je vais au dépanneur, prendre l'auto, 5 piastres. On marchait. On y va pas. On y va pas. Moi, je marchais, lui, il irait pas. C'est ça. Ah, c'est, je comprends que c'est ça. Parce que automatiquement, vous devenez responsable, puis tu te prends conscience de tous les endroits par où passe l'énergie. Tous les endroits. Puis en même temps, on gère notre vie. Ah ben, tu n'auras plus le choix à un moment donné. Parce que où tu n'auras plus d'argent? Vous devez faire le travail sérieusement. C'est une stratégie, c'est pas une bébelle. Quand j'ai plus d'argent pour prendre mon char, parce que je ne peux plus payer 5 $ quand je le prends, où je commence à emprunter, à m'endetter? Ben, si j'ai pas d'argent puis il faut que j'aille à un rendez-vous important, bien, vas-y pareil. Ben, la compagnie te fait crédit. La compagnie te fait crédit, mais c'est à toi de voir si, à un moment donné, tu te ramasses avec 300 000 de crédit. Ben oui, c'est ça. Mais l'idée, c'est que tu sais déjà pourquoi tu es pauvre. Même avec toi, tu arrives à t'endetter. Alors, à un moment donné, bien, c'est exactement, j'ai un rendez-vous de mardi, il faut que je prenne l'automobile, il me reste 5 $. Est-ce que je vais au dépanneur avec l'automobile? Ben non. Et vous devez trouver que la compagnie les chienne un peu. Vous payez l'essence, vous payez l'utilisation de base de l'automobile, que vous la preniez ou pas. Vous payez à chaque utilisation. Et si vous allez au dépanneur, vous payez 5 $. Si vous allez à Rimouski, vous payez 5 $. Vous payez l'essence en plus. De façon à ce que j'utilise mon crayon. Comme par exemple, à chaque fois que je vais jeter quelque chose dans la poubelle, c'est une scène. Alors, je jette un Kleenex dans la poubelle, une scène. Alors, je me mouche, j'oute une scène, je jette une scène. Oh, je jette ça dans la toilette. Mais pire. C'est une scène. La boîte de cornflakes dans la toilette, les boîtes de conserve. Pourquoi? Pour être capable de noter, de prendre en main la gestion de votre vie. Pour qu'elle se fasse, vous devez être au pied du mur. Si vous acceptez de tout donner ce que vous avez à une entreprise, de devoir payer maintenant pour les services et les choses que vous allez prendre, ben vous êtes au pied du mur d'une certaine façon. Et nécessairement, vous allez donc avoir une vision de la vie et de votre gestion qui est totalement différente, qui va être nouvelle, qui va être neuve. À chaque fois que vous allez utiliser du linge, vous payez. À chaque fois, il n'y a plus rien qui vous appartient. Vous ne pouvez plus posséder rien d'autre que votre corps et l'argent que vous générez. Tout le reste, vous devez payer. Alors, quand vous utilisez le savon, vous payez. Puis la compagnie, elle est là pour faire des profits. Ça va vous permettre de comprendre le monde. Quand vous allez magasiner au nom de la compagnie, vous allez acheter une barre de savon, par exemple, 2 $. La compagnie vous la revend à 2 $50. Alors vous, quand vous mettez la barre de salon de savon dans votre bain, dans votre salle de bain, c'est 2 $50 qui doit passer de votre portefeuille à celui de la compagnie. La compagnie, dans 3 semaines, elle pourra aller s'acheter une autre barre de savon à 2 $. Elle vous leur filera 2 $50. De cette façon-là, vous êtes en affaires. Vous avez une stratégie qui va vous révéler énormément de choses sur votre façon d'être, sur votre façon de vivre, mais aussi sur les lois qui régissent le monde actuellement. Allez comprendre par l'expérience, par l'initiation, par la pratique, comment se mènent les choses et comment vous devez mener les choses. Vous allez comprendre réellement ce que veut dire économie, ce que veut dire profit, ce que veut dire gestion. Sinon, ça reste totalement philosophique. Et quand je dis tout, ça veut dire que chaque fois que je vais aller dans l'armoire et prendre un verre, c'est une scène qui va l'accompagner. Ah, vous pouvez prendre évidemment 3 verres de lait dans 3 verres différents. Peut-être vous allez le rincer pour mettre du coke dedans, plutôt que d'en prendre un autre. Ben oui, parce que chaque fois que vous utilisez un verre de plus, vous utilisez du savon de plus, de l'eau de plus. Mais si vous payez à chaque utilisation de tout ce que vous faites, allez vous rendre compte que tabarouette, ça fait déjà 50$ en dedans d'un mois juste pour mes verres. Vous n'êtes pas pauvre, l'argent est dans la compagnie, mais la compagnie va aller acheter votre matériel. Allez-vous rendre compte en maudit où passe votre fric? Mais surtout, où passe votre gestion de vos des événements de votre vie? Comment on vous prend? Sans que vous en rendiez compte? C'est devenir maître de la situation. De devenir étudiant de la situation pour être capable de voir. Et là, à partir de ça, là, la personne qui veut devenir maître va avoir les outils pour devenir maître. Sinon, je veux devenir maître, mais je ne vois même pas où sont les problèmes. Bon, alors j'utilise une efface, j'achète une boîte de crayons, je jette un crayon, ça passe où? Les gens ne savent pas, ni votre temps, ni votre argent. Alors que si, l'utilisation de la télévision, c'est tant de l'heure. On devrait faire la même chose pour notre temps. Mais c'est la même chose, ça va venir au même. Tu payes tant pour utiliser la télévision, quand tant de l'heure. Quand tu fais rien, tu payes. Puis ça serait une bonne chose aussi. Mais là, les gens vont se ruiner. Vous devez payer. Tant pour utiliser le lit, tant à l'heure. Tant pour utiliser la chambre de bain, tant à l'heure. Tant pour utiliser la maison. Tant, payez. Vous savez que c'est ce que vous faites dans la réalité, mais vous n'avez aucun outil pour être capable d'évaluer ce que vous payez. En termes de temps comme en termes d'argent. Il n'y a pas de passerelle qui se crée entre ce qu'on fait et ce qu'on a. Bien, c'est qu'il n'y a pas de senseur, de scruteur pour aller chercher les données. Vu que l'humain n'est absolument pas au courant de ce qui se passe, il n'est au courant de rien. La personne, par exemple, la personne qui paye toujours avec des cartes de crédit est encore moins au courant des choses. La personne qui a toujours trop d'argent dans ses poches dépense beaucoup, ne sait jamais ce qu'elle achète. Les gens ne sont pas au courant parce qu'ils ont trop. Alors, si à chaque fois tu dois noter, tu dois écrire, puis à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, tu dois faire un transfert d'argent d'un homme à l'autre, tu n'auras pas le choix de prendre conscience de comment ta vie est menée. Et là, pour chaque chose, vous avez 4 lumières d'allumer dans la maison. Ça peut être 4-5 cents. Alors, on en éteint 3. Il y a 1 5 cents. Bien, c'est comme le chauffage. Même chose. Partir puis baisser le thermostat, c'est pas une grosse. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie parce qu'astralement, l'humain n'est pas capable d'économiser. Mais quelqu'un qui est déterminé, puis qui a un but, puis si baisser le chauffage va l'amener vers son but, il va aller baisser le chauffage. Ben oui. Puis en plus, ça change tout, finalement. Ça change l'humain dans sa façon d'être. Ben oui. En fonction des mécaniques qui régissent son monde actuellement. Donc, la stratégie, c'est de tout donner ce que nous avons à une compagnie. Une compagnie qui n'existe pas. Vous n'allez pas vous enregistrer. Vous la baptisez. Et puis, vous avez votre paye. Et puis là, vous devez jouer deux jeux. Vous vous placez du côté de la compagnie. Vous êtes le patron, le gestionnaire de la compagnie. Et là, vous dites, bon, il y a un... Comment on va faire pour l'exploiter? C'est ça. Il y a un chnouk-chnouk qui reste dans la maison, là. On lui ça combien, le loyer? Ouais. C'est une belle maison qu'on a là, puis... On lui ça combien? Ben moi, je connais du monde qui a acheté une maison, puis il alloue le prix de l'hypothèque. Ben oui, mais il devrait allouer le prix de l'hypothèque plus les profits. Ben, au moins, minimum... Parce que quand ça va avoir une réparation à faire, quand il va avoir, etc., ben... Ils perdent. Oui, oui. Mais c'est ça, être un bon samaritain en étant un mauvais samaritain. Donc, là, après ça, quand vous êtes dans la compagnie, vous allez dire, bon, maintenant, je fais l'inventaire, puis chaque fois qu'il va s'asseoir sur le gros fauteuil confortable, c'est temps, sur la petite chaise de bois, c'est temps, vous devez, l'exploiter. Vous êtes exploité par la vie. Ben oui. Vous allez comprendre la mécanique de la chose. Vous allez comprendre aussi comment jouer le jeu pour arriver à faire des profits. Ça veut dire qu'il faudra qu'on exploite les autres. Oui, jusqu'à une limite où ils vont accepter d'être exploités. En haut de la limite, bien, ils n'accepteront plus. Donc, il faut connaître les lois du marché. Je vends un automobile à quelqu'un, 35 000 $, je l'exploite. S'il trouve que c'est beaucoup trop cher, je ne pourrais pas l'exploiter. Mais je m'attends à vendre 35 000 puis à vendre un produit qui vaut le plus bas possible du 35 000 pour faire le plus de profit possible. Si le client veut marchander, je peux baisser peut-être à 30 000. Mais moi, je fais tout pour baisser à 39 999, à 34 999, reste à 35 000. Puis l'acheteur veut m'exploiter. Il va faire ce qu'il va faire. Mais vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants des mécaniques de l'astral. Tant autant au niveau du temps qu'au niveau de l'argent. Alors, quand vous êtes dans votre entreprise, vous allez tout estimer. Les lumières. Il y en a combien d'allumés ici? Pas de problème. C'est temps de l'heure. Ou temps à la minute. Ou temps de 5 minutes. Ça peut être une scène. Une scène de 5 minutes par lumière allumée. Oh, c'est pas grave. Mais quand vous allez payer à la fin, vous allez vous dire, tiens, 50 cents. J'ai eu 50 minutes de lumière allumée. Ça va probablement vous coûter 5$, 10$, 12$. Et ça vous fait prendre conscience que où part tout ce qui part de chez vous? Où sont les hémorragies? Ensuite, comme tu disais, tu peux aussi payer en fonction du temps. L'utilisation du lit, l'utilisation de la télévision, ça vous coûte combien? Oui, mais je ne l'ai pas regardé, non, mais elle était allumée. Il y en a que ça va leur coûter une fortune. Exact. Ça prouve au moins qu'ils sont riches, vu qu'ils sont capables de payer une fortune. Ouais. Mais vous allez voir. Ensuite, peut-être la compagnie peut faire des déductions. Vous avez une déduction ou encore un crédit chaque fois que vous lisez tel type de livre, chaque fois que vous faites de l'exercice, chaque fois que vous utilisez ceci, regarde. Ou faire un cours qui améliore notre situation. Oui, tu vas suivre un cours, la compagnie te le paye. Puis si tu réussis, tu as tant de crédit. Tu as de l'argent. Mais c'est ce qui se passe dans votre vie aussi. Vous bénéficiez quand vous améliorez votre sort. Mais vous ne voyez pas où, vous ne voyez pas comment encore. En utilisant cette stratégie, vous avez une école, une université absolument parfaite pour apprendre à comprendre, à connaître et à contrôler les forces du marché. Tout ça à l'intérieur même de sa maison. Oui. Mais de sa vie. De sa vie. Là, je fais rien. Bon, mais tu payes. On ne vous empêche pas de rien faire. Vous payez. On ne vous empêche pas d'écouter la télévision. Vous payez. Et quand vous faites les choses que vous devriez faire, on vous donne du crédit. c'est d'avoir égoïquement la possibilité de programmer assez rapidement votre structure pour qu'elle comprenne comment ça marche, les choses. Sinon, les rester des théoriciens, des théoriciennes, des gens qui ne peuvent pas faire la transition entre la théorie et le pratique. Parce que vous n'aurez pas vécu assez. Ou bien, à un moment donné, on devra vous amener assez pauvre. Vous allez voir que les petits coupons là, de 5 cents d'économie sur la boîte de cornflakes, vous allez commencer à les garder. Mmh. C'est ça. Mais pour l'instant, mais quand vous allez être rendu vraiment au pied du mur, vous allez commencer à vous rendre compte de où part, par où part l'argent. J'ai connu des personnes qui n'arrivaient pas et ils avaient de l'argent. Ils sont devenus très, très pauvres. Ils arrivaient mieux. Ils avaient changé leur stratégie. Évidemment, les personnes qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas croire ce que je dis là. Mais ils arrivaient mieux pauvres. Ils mangeaient mieux. Il y en avait suffisamment. Tout était correct. Ils se vêtaient bien. Ça allait. Il fallait qu'ils contrôlent la gaffe, par exemple. Tandis qu'avant, ils laissaient le bateau aller où ça voulait. Il y avait beaucoup d'entrées, mais ils n'arrivaient pas. Ils étaient souvent en manque, en besoin. Ils attendaient souvent après la prochaine paye. Là aussi, ils attendaient après les prochaines entrées d'argent. Mais ils avaient ce qu'il fallait jusqu'à la prochaine entrée d'argent. Mais c'est prouvé, ça, dans le monde ordinaire. Ceux qui gagnent 50 000, ils ont besoin de 100 000. Ceux qui gagnent 100 000, ils en ont besoin de 150. Tout le monde a besoin de plus que c'est pire que ça, parce qu'ils ont prouvé que ceux qui ont 20 000 de salaire ont besoin de 30-35 000. Okay. Puis ceux qui ont 30-35 000 ont besoin d'autour de 100 000. Puis ceux qui ont 100 000, pour être bien, ils se sentiraient à l'aise avec 250 à 300 000 $. C'est ça, c'est parce que... Ça, c'est la philosophie que les gens ont. Je n'arrive pas à 20 000, à 35 000, j'arriverai. Celui qui a 35 000, j'arrive pas à 35 000. Moi, c'est 50, 60 000 qu'il me faudrait. Mais c'est le piège du chronotype actuel. Quand on ne peut pas s'en sortir. Parce que tu ne vois pas par où partent les choses. Voilà. Avec la stratégie de la compagnie, vous ne pouvez pas faire autrement que de tout voir. C'est exactement comme si, à un moment donné, on vous dit, vous voulez gaspiller l'eau, pas de problème, on va mettre un compteur d'eau à chaque maison. Mmh. Alors, tout le monde se met à chialer. Ah oui, c'est horrible. Oui, mais là, c'est exagéré. Nous, on veut des pays libres. Mmh. C'est pas ça, c'est que ça coûte de l'argent pour arranger l'eau. Pour la traiter. Bon, vous voulez utiliser l'électricité, pas de problème, un compteur à chaque place. Vous voulez utiliser la télévision, pas de problème, un compteur à chaque télé. Vous voulez utiliser tout, les lumières, bon, un compteur à chaque fois. Vous allez découvrir rapidement. Je connais des gens, moi, qui, à un moment donné, utilisaient des rouleaux de papier de toilette, par exemple. Il en pose un par jour. Un jour, ils se louent une roulotte motorisée, puis ils s'en vont camper. Mais là, ils en passaient un par semaine. Parce que ça ne tentait pas de remplir la toilette qui sèche trop vite. Donc. Alors, comment ça se fait que là, ils étaient capables d'utiliser quasiment 6 à 7 fois moins de papier? Et dans partout, c'est comme ça. L'abondance, l'illusion de l'abondance, puis la sécurité, ou l'illusion de la sécurité. Regardez les entreprises. On vient d'acheter, on est 80 employés, on vient d'acheter un paquet de feuilles de 500 feuilles, 80 employés. Les gens vont faire attention. On vient de livrer le camion. Il y amène à peu près 500 000 feuilles de papier. On va tout amener un petit bloc chez nous, au cas. On a un crayon dans la maison pour tout le monde. On a une caisse de crayons. Il y a au moins la moitié des crayons qui vont disparaître sans qu'on sache où ils sont passés. C'est très vrai, ça. Mais si les gens ne s'en rendent pas compte. Mais si tu dois payer à chaque fois que tu touches, que tu utilises, que tu fais, ben là, être capable de savoir ce qui se passe. Une grosse partie de la manipulation provient du fait que vous n'avez pas les informations, les données, l'ignorance. Oui, on n'a pas le contrôle. On tu ne peux pas l'avoir parce que tu ne vois pas. Comme par exemple, si on demande à quelqu'un, tu viens de t'acheter une automobile, ça va te coûter combien par semaine ton automobile? Ah ben, si je prends le paiement, mettons, mensuel, divise par 4, mettons, ça coûte 100 $. Ah, c'est bon. Mais tes assurances? Ah, eux autres, ils sont payés. Oui, mais tes assurances, il faut quand même que tu économises. Le reste de l'année, il faut que tu économises pour les prochaines assurances. Ah, ben oui, oui. L'essence? Ah, oh, ben, je sais pas. 10 piastres. 10 piastres. Oh, j'ai 10 piastres, oui, mais c'est... Bon, l'huile, je sais pas. La petite lumière, quand elle va brûler. Le phare qu'il faudra changer. Bon, la contravention, ah, oh, je n'aurai pas. La contravention, au moins, on est au moins normal. On est au moins une contravention par année. En tout cas, à Montréal, les gens sont plus normaux qu'en campagne, là. Tu sais, mais... Ensuite, l'entretien d'automobile. Puis toutes ces choses-là. Et c'est pas juste ça. Les cinémas vont coûter combien? Quoi, les cinémas? Ben oui, avant, tu allais moins souvent au cinéma, tu n'avais pas d'automobile. Là, tu allais plus souvent au cinéma. Les restaurants. Puis le cinéma, c'est le popcorn. Mmh. C'est le chocolat. Vu que tu as une automobile, il va aller au restaurant. Vu que tu as une automobile, il va avoir quand tu vas aller chez le voisin maintenant, le voisin plus loin, là. Puis tes besoins farfelus qu'il faut que tu ailles au centre d'achat acheter. Donc. Oui, ben oui. Avant, tu cumulais tes achats parce qu'il fallait que tu prennes le taxi ou il fallait que tu y ailles à pied. Mais tant que tu as une automobile, tu y vas 4, 5, 6 fois. Non, c'est ça. OK, mais ça, tu ne te rends pas compte, là. Combien ça te coûte ton automobile par semaine? Bien là, 185, 190, là. C'est quasiment le double de ce que tu pensais. Alors, les gens ne comptent pas comme ça. Parce qu'on ne veut pas voir. Parce que voir, ça veut dire être capable de contrôler. Moi, quand je vois une faille, ça me rend toujours heureux. La majorité des humains, quand ils voient une faille, ça les déprime. Moi, quand je vois une faille, je vois qu'est-ce qu'il faut changer. Alors, ça m'arrange, parce qu'on va corriger. La faille, je la vois. Je ne l'ai pas créée, la faille, je la vois. Elle a toujours été là. Les personnes ont souvent l'impression que maintenant qu'ils voient un défaut, le défaut paraît. Comme les gens qui ne veulent pas aller voir un médecin pour savoir s'ils sont malades. Parce qu'ils ont peur que quand ils vont apprendre la maladie, là, ils vont être malades. Alors qu'ils sont malades. Alors, cette stratégie-là, ici, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet aux individus, aux égaux... L'insécurité. ...au mental de découvrir exactement ce qui se passe dans leur vie en termes de temps, en termes d'argent, découvrir la valeur des choses, de comprendre la mécanique d'utilisation des choses, puis comment on perd, comment on gagne. Et à partir de là, on peut établir des stratégies ou aller étudier pour apprendre des stratégies pour gérer notre affaire. Notre temps et notre argent. C'est implacable. Si vous devez noter et payer pour tout ce que vous devez utiliser, autant le temps que la matière, et si vous êtes capable de vous donner des crédits raisonnables, vous savez, un repas tout croche, $1, un repas correct, $30 le crédit. Fait qu'il me faut un repas correct pour battre 30 repas pas corrects. Ça ne marche pas. Un repas pas correct, une pièce de pénalité. Un repas correct, une pièce de crédit. Il faut être égalisé avec la vie. Pendant 10 ans, vous mangez mal. C'est pas en 2 semaines que vous allez être en santé. Il faut souvent 10 ans pour se remettre en santé. Donc, on fait des échanges qui sont ajustés à la réalité de façon à être capable d'étudier le monde. Étudiez comment les choses fonctionnent. On ne joue pas Monopoly, vous ne devez pas inventer vos règles. Vous devez appliquer les règles de la vie dans votre maison entre vous et la compagnie. Quand vous allez gérer la compagnie, vous y allez d'une façon intelligente. Le loyer, l'hypothèque vous coûte 400 par mois, vous n'allez pas louer ça 800. Il faudra un imbécile pour louer ça. Alors, j'espère que vous ne le louerez pas. Mais l'hypothèque vous coûte 400, vous le louez 450 ou 500, c'est bien correct. D'abord, le savon, le payer 2 piastres, le vendre 2 piastres et 20, bien correct. Les cornflakes, je les ai achetés 1,25, je les ai vendus 1,50, c'est correct. Et vous exigez de garder pour la compagnie les petits cossins qui sont dedans. Quand même. Les cartes de joueurs de hockey. Les cartes de joueurs de hockey. Oui, parce que dans 2000 ans, il paraît que ça va valoir cher. Ouais. As-tu déjà remarqué que les collectionneurs qui font de l'argent collectionnent ce qui est rare, puis tous les autres collectionneurs collectionnent ce que tout le monde a? Ouais. Ceux qui ont fait des... Non, pas une collection, ils achètent les cartes qui se vendent partout. Alors voilà la stratégie, elle est facile, je pourrais l'élaborer pendant 2 jours. Est-ce que c'est une stratégie pour voir ça? Ou ça en est une. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres. Mais si on en donne plus qu'une, bien là, ça fait une dissonance. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont l'appliquer. Exact. La 2, c'est ça, la dissonance se crée. Laquelle je fais? La moitié d'une, la moitié de l'autre. Là. Non, ça, c'est une très bonne stratégie. Elle est implacable. Elle vous fait vivre un peu au pied du mur. Parce que vous allez finir par vous rendre compte, à un moment donné, vous êtes pauvre. Là, je ne peux plus rien faire. J'ai tout donné mon argent à la compagnie. Vous n'êtes pas dans la rue, la compagnie, c'est vous. Mais vous fermez les yeux, puis vous oubliez tout. Vous jouez à l'autruche. Ou bien vous constatez que vous ne l'avez pas du tout. Si vous ne l'avez pas du tout, ben, la réaction, c'est de s'arranger maintenant pour aller chercher l'information nécessaire, la formation nécessaire, après ça, pour placer les modifications nécessaires dans sa façon de vivre. Puis là, vous allez commencer à avoir la même chose, puis il va vous rester de l'argent. Mais si vous additionnez ce qui va vous rester et ce qui va accompagner, vous allez déjà être plus riche qu'avant. Mais surtout, vous allez avoir compris comment ça fonctionne. Comment fonctionne le marché, comment faire de l'argent, comment se lancer en affaires, comment se gérer, comment économiser son temps, comment ne plus perdre son énergie, comment ne plus être sujet à la loi de l'occupation en permanence. Vous allez tout être capable de tout voir. Alors, c'est extrêmement intéressant d'utiliser cette stratégie-là. Je dis bien tout. Chaque disque compact qui appartient à la compagnie. Quand tu en utilises un, ça coûte tant. Un disque, ça vaut 20$, ben vous ne payerez pas 1$ par disque. Il faut qu'il l'écoute combien de fois pour qu'il soit rentable? Il est mieux d'écouter parce qu'avant, j'en achète un autre. Oui, mais c'est ça. Là, vous êtes du côté compagnie. Et du côté l'autre bord, ben, à un moment donné, vous allez être capable d'avoir une vision. Vous allez vous dire, écoute, j'aimerais acheter tel disque, mais ne l'achète pas tant que je n'aurai pas écouté celui-là assez longtemps. Et là, vous payez. Quand vous allez avoir assez payé, il va vous en acheter un disque. Et là, vous allez vous rendre compte que, avant de faire acheter n'importe quel disque, parce que vous devez payer, écouter disque plat pour en avoir un autre. Fait que vous allez essayer de demander de vous acheter des disques que vous n'écouterez plus. Pour avoir à les écouter pareil. C'est très, très intéressant comme stratégie parce que ça fonctionne. Bon, le savon, pour laver le linge, c'est peut-être à cuillère que vous allez le payer. Et vous devez établir des règles, la compagnie va dire, c'est à la boîte de savon. Ouais. Mais si je vendais ça à cuillère, ça, on fait toujours un peu plus d'argent. Mais vous, votre stratégie va être d'en utiliser un peu moins. Tout est parfait. Vous allez comprendre réellement ce qui se passe dans votre vie au niveau des mécaniques astrales, émotives, mentales. Puis vous allez apprendre énormément sur la gestion des affaires. De votre vie comme celle de l'autre côté. Parce que vous allez remettre en question tout ce que vous allez faire. Vous ne pouvez plus rien acheter. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de louer. Alors, vous n'allez pas au magasin acheter des trucs, c'est pas vrai. Bien, on achète pour la compagnie. Tu n'achètes même pas pour la compagnie. Tu fais la demande à la compagnie. Puis après ça, tu changes de rôle. Puis la compagnie décide si tu l'achètes ou pas. Moi, j'avais fait une passe collative. Oui, mais c'est ça, il faut faire attention. Ouais. Parce qu'on va rendre service à la compagnie, on va aller y acheter une caisse de patates. La compagnie n'a pas géré. Je change de rôle. Et là, je me dis, bon, monsieur veut des nouveaux souliers. Je vais les louer ça combien, les souliers? C'est la compagnie qui les achète. Vous, vous achetez plus rien. Vous louez. Et la compagnie va dire, en combien de temps je devrais avoir rentabilisé mes souliers? Fait, les souliers de 100$, là, j'aimerais être rentré dans mon argent en combien de temps? 1 an? 2 ans? 6 mois? Vous achetez des souliers, puis vous me les louez. Vous voulez me supporter combien de temps? Le temps de vie des souliers, c'est combien à peu près qu'on va estimer? On va dire, disons, 1 an. Il faut au moins que j'y paye en 1 an. Donc, à 100$, il faut que je lui loue temps par jour. Mais en 1 an, je n'aurais pas fait de profit. Il faudrait que je les rentabilise en dedans de 10 mois. J'aurais 2 mois de profit. Donc, en dedans de 10 mois, ils valent 100$. Il faudra que je lui loue temps par mois. 10$ par mois. Alors, j'établis un pourcentage. Puis là, je peux me dire, ce client-là serait apte à payer 20$ par mois. Si oui, il m'a acheté des souliers à 200 $. Il m'a fait aussi plus de profit pendant les 2 mois, je fais du profit. Si je ne pense pas qu'il va les utiliser ou qu'il va trop les maganer, ben j'aime autant y acheter des souliers à 55 $. On va les louer au même pourcentage. Fait que là, moi, l'acheteur, je suis très différent de celui qui voulait des souliers au début. Parce que lui, il pense avoir les souliers. C'est gratuit. Oui, même quand c'est vous qui les achetez, vous n'avez pas conscience que c'est votre vie qui passe là. On regarde émotivement, « Oh, t'as-tu des beaux souliers? Ah, 150$, j'ai combien sur moi 200? Ah, je peux les acheter. » Oui, ça ne marche pas comme ça. L'argent que vous passez dans vos souliers, c'est votre vie que vous avez passé à travailler. Alors, moi, l'acheteur, j'évalue. Après ça, je me dis, bon, ben, je vais y louer tant. Puis là, je dis au locataire, ça va 10$ par mois. Là, je m'envoie l'autre bord, le locataire regarde son budget, puis il dit 10$ par mois. Ben, non, je suis malade. Non, je suis dans la réalité. Vous rendez-vous compte, je ne suis même pas malade. Si vous abolissez la compagnie, vous allez quand même payer 10$ par mois. Sauf que vous ne le verrez pas. Dans l'illusion. C'est ça, dans l'illusion. C'est la même chose. Il est chien en maudit. C'est la vie. Il n'est pas chien. Il est le représentant de la vie. Puis en plus, il le paye. C'est juste qu'il ne veut pas le voir. C'est sûr qu'il le paye. Comme là, je viens de payer les assurances, 630$. Je suis bon pour un an. Oui. Mais si à partir de tout de suite, tu mets le montant par semaine de côté. 2$ par semaine. C'est ça. Tu mets le montant de côté pour rembourser la compagnie. Oui. 2$ par jour. Mais dans un an, tu vas avoir la compagnie va avoir le montant qu'il faut pour te réassurer encore. C'est ça. Ah oui, mais c'est bien chien, il faut que je paye. Non, c'est pas chien. Tu payes la compagnie, tant, parce qu'elle, elle te loue l'assurance, tant par jour. Bien, c'est tant par jour. Si je ne fais pas ça, dans un an, je vais arriver à une journée où il faut que tu débourses le montant. Je débourse 600$, moi, je ne l'ai pas. Mais là, tu as coupé ça d'autres choses. Tu as coupé, les gens gèrent comme ça. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'à la fin de l'année, il faut payer l'assurance. La compagnie, elle a l'argent, elle gère. Elle a tout au complet, elle. À la fin du mois, il faut payer l'hypothèque, elle a l'argent, elle. C'est réglé parce qu'elle vous le collecte. Elle va vous mettre dehors de chez vous si vous ne payez pas. Mais c'est vrai. Si vous êtes de l'autre côté et vous regardez le... Pensez à une personne que vous n'aimez pas trop, là. Et vous imaginez que c'est à elle que vous louez tout. Ça fait 2 semaines que le loyer est en retard. La compagnie va être riche. Oui, puis la compagnie veut faire de l'argent. Vous allez avoir une gestion de votre vie qui va être extrêmement différente. Ça, c'est une façon très, très, très pertinente de se mettre en mode pied du mur. Mm. Pas pour toute sa vie, mais pour être capable de voir, on est en mode pied du mur au niveau de ce qu'on vit là, et pour être dans une école de vie qui va nous enseigner bien des choses d'un seul coup. Ça l'amène aussi, c'est peut-être pas le sous-loin, mais c'est la non-propriété. On s'approprie pas des objets. Mais tu te rends compte que c'est de l'énergie que tu gères et non pas de la matière, c'est ça. C'est pas mes souliers, c'est les souliers. C'est très différent. Ben oui, ils s'usent tous les jours, ils s'usent. Tu perds un peu des souliers tous les jours. Fait qu'on reste constamment sur le pied du mur. Tout le temps. C'est une très bonne façon de voir les choses. C'est pas un jeu. Il faut que la personne le fasse tellement sérieusement que jamais elle ne devra tricher. Donc, il faut qu'elle note, comme s'il y avait un collecteur. Il faut qu'elle s'organise. Mm. C'est pas plein d'énergie. C'est une école. C'est sûr qu'on doit faire des devoirs. Vous prenez votre bain, vous utilisez tant d'eau, vous utilisez encore un peu le savon. Quand le savon est fini, en tout cas, vous allez noter, on paye. Vous devez payer. Vous devez avoir fait votre liste de prix de tous les objets que vous êtes en affaires. De façon à instruire l'autre personne comment ça marche. C'est quoi la valeur des choses? Imaginez un enfant qui serait éduqué comme ça. Il connaîtra la valeur des choses. Mmh. Ouais. Moi, chez nous, quand il y avait chaud, il ouvrait les fenêtres l'hiver. Ben oui. Ben, le locataire, chez nous, quand j'étais jeune, le locataire, c'est ce qu'il faisait. Ouais, quand il y avait trop chaud, il ouvrait les fenêtres l'hiver. C'est ça. Parce que le chauffage, c'était payé parce que c'était inclus dans le loyer. Ma mère, elle a vu faire souvent le chalet pendant 15 ans, puis après 20 ans, elle l'a fait mettre un chauffage séparé. Puis là, maintenant, ses locataires, ils sont corrects, eux autres. Quand tu fais feu dans la maison, ils baissent le thermostat. Mmh. Ben oui, tu sais. Puisque maintenant, ça ne sert plus à rien, là. Mais c'est indépendant maintenant. Mais ça, c'est l'humain, là. Mais c'est ça. Si c'était clair que tu payais à chaque fois. Parce que même si une personne paye, elle ne paye pas. Par exemple, votre silencieux sur votre automobile, il est dû être changé. Ça coûte 180 $. Vous n'avez pas l'argent tout de suite. Il ne fait pas beaucoup de bruit. On va changer dans 6 mois. Et dans 6 mois, vous allez probablement avoir consommé 180 $ d'essence de plus. Parce que le silencieux, plus ou moins obstrué, fait une compression sur le moteur, donc ça fait comme si vous aviez une charge de plus. Et vous brûlez de l'essence. Mais ça ne paraît pas. Alors, on ne change pas. Mais quand vous allez devoir le changer, ça va coûter 180 $, plus les 180 $ d'essence que vous allez avoir déboursé de toute façon. Les changements d'huile, c'est la même chose. Ça coûte cher, 30-35 $. Ça fait en sorte d'économiser l'essence. Ça fait en sorte d'économiser le moteur. Ça fait en sorte d'économiser le démarrage. Et patati patata. Si à chaque fois vous deviez payer là, tout de suite, vous prendriez conscience rapidement de comment votre vie allait promener. Même chose pour le temps. Tu payes chaque fois que tu perds ton temps. Tu as un crédit chaque fois que tu gagnes. Mais vous allez voir que c'est très intéressant. Les lumières allumées pour rien. Par exemple, ça vous coûte une scène à chaque 10 minutes que vous utilisez une lumière, puis on vous donne un crédit d'une scène à chaque fois que vous l'éteignez. Ah, ben, c'est sûr, vous pouvez faire le rusé. C'est déjà simple, mais c'est très significatif pour toute la vie en général qu'on vit. Oui. Tu te rends compte subitement que tu as 8 lumières d'allumées dans la maison, tu passes en éteindre. Tu dois ramasser sa scène. Oui. Ah, le rusé, ce qui se fait, c'est qu'il y a une scène aux 10 minutes. Après 9 minutes et demie, il l'éteint, il la rallume. Il y a un bon mono de 10 minutes. Dans ce temps-là, si vous avez un ego comme ça, qui est mentalisateur, qui se trouve rusé, vous n'apprenez rien. Alors, vous vous dites, c'est 2 scènes à chaque fois que tu l'allumes, puis c'est 1 scène à chaque fois que tu l'éteins. Puis après ça, c'est 1 scène de 10 minutes d'utilisation. En plus. Ça ira d'utiliser ça l'allumer. Et vous ne pouvez rien acheter. Si vous allez acheter une lampe de poche pour remplacer votre éclairage de maison, elle ne vous appartient pas. Elle appartient à la compagnie. Et c'est important, vous ne pouvez rien acheter. Le linge n'est pas à vous, les souliers ne sont pas à vous. Moi, j'ai un ami, s'il avait dû payer à chaque fois qu'il écoutait de la musique, là, il serait rendu compte où passe sa vie. À un moment donné, d'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que j'ai perdu probablement 7 à 10 ans de vie de ma jeunesse à écouter de la maudite musique. Mm-hmm. Moi, souvent, des personnes me parlent qui ont écouté la télévision, puis c'était plate. Écoute, tu l'écoutes d'abord. Hey, c'est plate. Ferme ça. Ben non, il continue à l'écouter jusqu'à 10h, 10h30. Ben c'est ça. La gestion. Mais c'est parce que l'humain est bâti pour souffrir. Ça va, on le sait. Mais vous êtes intelligent, pas intelligent. Si vous aviez un outil pour vous rendre compte de ce qui se passe, ben c'est pas long que tabarnouche, vous changeriez de disque, oui. Bon, tu as des questions sur un autre sujet? Alors, sur un autre sujet? Oui. Oui. Il y a. Mais ça fait partie de ça aussi. Il y a des choses. Moi, là, ce qui m'a frappé le plus dernièrement, c'est qu'il y a du monde qui vient de suivre nos cours, du monde des grosses compagnies. Puis ils partent de là, ils sont emballés, puis là, ils vont vendre ça au patron, puis ils ont payé, là. Ils ont payé, puis ils vont vendre ça à leur patron, puis ils vont nous amener de l'argent, ils vont faire que nous autres, on va réussir. Puis c'est des grosses compagnies. C'est une question comme ça. Il y a certains cours qu'on donne à l'académie, qu'on donne aussi à des gens d'affaires. Mm-hmm. Et, ah, c'est les mêmes cours. Le prix des cours est de 375 $. Ça, c'est pour 7 heures de cours. Nous autres, on l'offre à 60. Oui, à 60. Ah. Certains cours à 200. C'est ça. Le prochain PMC Plus, c'est un cours qu'on donne, qu'on vend 600 $. Il n'y a pas de repas d'inclus. Là. Les personnes payent leur bouffe, là, ils payent toutes leurs affaires. Ils viennent, ils mettent 600 $, ça va à la compagnie, ça va à nous autres. Eux, ils payent leurs affaires. TPS en dessous. Oui. Et ce que tu veux dire, c'est qu'eux viennent payer 600 $, suivent le cours, puis après ça, ils partent, ils vont le vendre, ils en parlent. Ils le vendent, ils nous ramènent des clients, ils créent une synergie. Puis, ça, c'est une chose. Ça, c'est ce que je me suis aperçu. Et ils appliquent. Ils appliquent, oui. Puis, il y a du monde qui suivent depuis longtemps les activités de l'Académie, qui profitent des cours, puis qui ont pas honte, mais ont peur d'en parler. Puis là, je me dis, comme ceux qui ont investi le groupe Investors, OK? Ils mettent 5 000 là-dedans. C'était quoi le groupe Investors? C'était pour créer des emplois, pour que le monde finisse par travailler à l'intérieur du groupe. C'est bien. Sauf que tu mets 5 000, puis tu es dans l'attente passive. T'attends. Si ça réussit, puis t'offre un emploi, tant mieux. Là, si ça réussit pas, tu es un... C'est partie de la mécanique de la sécurité. En plaçant 5 000 dans Investors, certains ont mis 10, certains ont mis 15, les gens se retirent dans la sécurité et espèrent que ça va faire, que ça va réussir, qu'il va se passer quelque chose avec le 5 000. Parce que les gens ne sont pas au pied du mur, bien, c'est compliqué qu'il se passe de quoi. Et s'il se passe de quoi, il faut qu'il se passe de quoi en fonction de l'énergie de certaines personnes. Mais il y a aussi une question d'équilibre. Si, par exemple, tu as 35 actionnaires, dont 5 qui travaillent, c'est tellement débalancé que ça devient quasiment impossible qu'il se passe de quoi. Ben oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui fait que du monde, tu sais, qui font un effort, puis après ça, ils attendent passivement, alors que l'autre, lui, il paye, puis il n'est même pas dans l'énergie, là, puis il va nous ramener, il nous ramène l'énergie, l'argent. C'est quoi la différence? 5, 6, 7. Ça fait 7 ans qu'Investors existe. Oui. Donc, bien, il y a des gens qui Investors, ont mis... À l'intérieur du groupe d'Investors, il y a du monde qui ont racheté une maison, ils ont mis un comptant, on a mis, je ne sais pas, 20, 25 000, puis là, on loue la valeur de l'hypothèque. Puis le 25 000 là-dedans, bien, c'est ça. On l'utilise. En tout cas, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le monde ne veut pas nous aider? Mais c'est parce que le monde ne veut pas s'aider. Faut que tu comprennes, c'est pas le monde ne veut pas t'aider. Là, pas m'aider moi, là. Ils veulent pas s'aider. Ils veulent pas. C'est la nature humaine. Alors que l'autre. C'est là... la vie de l'être humain. L'humain est là pour souffrir. Ben oui, je sais bien, mais le gars de la BFD là, qui va nous ramener. Du... Ouais, non, mais c'est trop des questions. Moi, tu dis ça, là, mais c'est pas ça. C'est ça. C'est que l'être humain est là pour s'occuper. Comme tout à l'heure, on parlait un peu de l'alcoolisme. Celui qui va à la d'une taverne. S'il y assiste à un de nos cours, il découvre de quoi d'extraordinaire. Ben oui. Celui qui vient dans nos cours régulièrement... Mais il ne faut pas qu'il en parle. Ben lui, c'est parce qu'il est à la taverne. Ah. Parce qu'effectivement, les gens vont partir après les cours, les gens payent plus cher. Ça, c'est une chose. Les gens payent plus cher, donc ça a plus de valeur. C'est dommage, c'est comme ça. Et les gens ont une dynamique qui est différente. Et bien, effectivement, par contre, ces gens-là ne sont pas dans des mécaniques qui peuvent modifier leur homocron, les faire glisser d'assiette. Les gens qui font partie de, par exemple, des séminaristes, sont des gens qui peuvent, en utilisant l'information, modifier radicalement le cours de leur vie. Ben oui, c'est des privilégiés. Alors, eux vont donc être assujettis beaucoup plus à ne pas utiliser la matière ou l'information. C'est évident que c'est ridicule. Si on demande à des gens qui ont suivi des cours, comment vous les trouvez, c'est parfait. Recommanderiez-vous ces cours-là? Absolument. Ben oui. Le font-ils? Non. Quelques-uns, là, mais... Alors que si on regarde les autres personnes qui ne font pas partie des séminaristes, qui vont avoir accès à des cours similaires, souvent moins profonds, moins performants, parce que, bon, les gens, on les prend où ils sont, et le double, triple, quadruple, quintuple du prix que les séminaristes ont payé, ces gens-là vont avoir une dynamique beaucoup différente et beaucoup plus grande pour ramener du monde, pour en parler, pour être satisfait et pour vouloir le communiquer. Oui, puis en plus, on leur donne rien. Ah, c'est très différent. Mais ça fait partie de la mécanique, ça, de les gens ici, par exemple, les gens, les séminaristes vont faire le minimum nécessaire. Alors, s'ils sont au pied du mur, ils vont faire un peu plus. Mais tant que les gens ne sont pas au pied du mur, les gens ne font rien. Puis ça, c'est chez les séminaristes versus les cours ou la formation qu'on va donner. Mais c'est comme ça partout dans l'humanité. Ces personnes-là ne sont pas au pied du mur, ils vont faire beaucoup de choses, mais ils font des choses parce que ça ne risque pas, ou peu, de changer leur vie. Alors que les gens qui font partie des séminaristes, s'ils se mettent en dynamique, ça peut modifier leur vie. Mm-hmm. Du moment qu'une personne, même de l'extérieur, les gens qu'on a rencontrés des grandes compagnies, qui sont venus faire des cours, qui sont emballés, qui vont en reparler, qui veulent le vendre, qui veulent ramener du monde. Là, c'est tout, non, c'est tout le monde qui font des cours. C'est ça. Mais quand ça leur a des chances de modifier le cours de leur vie, ça se peut que là, il commence à ralentir énormément. C'est la raison, c'est pas une excuse. Oui. Okay? C'est la raison. Bon. Pourquoi les gens investissent, par exemple, dans Investor, ils ont mis 5 000? C'était pas pour changer. C'était pas pour se créer un emploi. Quelque part, oui, mais j'ai dit au départ que tout le monde était des grands menteurs. Oui, c'est ça. Bon. Mais ce 5 000-là, finalement, les gens, ils l'ont laissé aller. Bon, c'est évident que si ça arrive à fonctionner, ils vont être contents. Je ne dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est que ça ferait longtemps que ça leur ait fonctionné s'il y avait eu la dynamique nécessaire. Ben oui. 30 qui travaillent, puis 5 qui niaisent. Si par hasard, ça ne fonctionne pas, qui va être blâmé? C'est ceux qui ont essayé que ça fonctionne. Regardons ceci. Ça, c'est clair. Ça, c'est normal. Oui, je sais. Bon. Pendant 7 ans, multiplié par, on va dire, 10 mois, ça fait 70 mois. On est rendu à 84 mois. Pendant 84 mois, il y a des personnes qui ont travaillé. Là-dessus, quelques-uns ont eu des salaires. Des salaires, on parle de entre 150 par semaine et 200, 250 par semaine. Là, je pense que les hauts salaires sont autour de 250 par semaine, quelque chose comme ça. Bon, peut-être 300, là, je ne suis pas sûr. Bon. Et il y a plusieurs personnes là-dedans qui, eux, n'ont reçu aucun salaire, dont moi, puis dont d'autres personnes, eux n'ont reçu aucun salaire. Ça veut dire que pendant 84 mois, ces gens-là ont dû travailler à l'extérieur, comme Réal Choquette, comme Michel Lasserre, comme plusieurs autres. Moi, même chose pour moi là, pour pouvoir travailler et plusieurs personnes carrément à temps plein ici. Et si pour on a créer des emplois pour les autres. Pour créer des emplois pour une trentaine d'actionnaires. Ça. Et évidemment, c'est compliqué, ça ne fonctionne pas toujours parce qu'il manque toujours des dynamiques, il manque des ceci, il manque des cela, il manque le fait que la personne travaille un peu là, etc. Si on additionne le salaire que ces gens-là devraient avoir reçu pendant 84 mois, on se rend compte que la compagnie leur donne de l'argent énormément. Bon. Mais effectivement, si ça ne fonctionne pas, ce sont ces gens-là qui vont être responsables. Arrow sur le baudet. Oui. Mais ça, c'est partie de la nature humaine. Il y a une limite de charge qui peut supporter le baudet. Oui. Un baudet, c'est un mélange entre un mulet et un cheval. Un âne et un cheval. C'est ça? C'est la fable de la fontaine. Oui, mais c'est bon. Ça ne se reproduit pas, mais c'est plus fort. C'est ça. C'est plus productif. L'humain est comme ça. La majorité des gens sont comme ça. Les enfants vont faire exactement souvent la même stratégie envers leurs parents. C'est pareil, c'est ça. Okay? Même chose. Les parents, c'est des maudits chiens parce qu'ils ne m'achètent pas ci, ils ne m'achètent pas ça, ils n'ont pas ci, ils m'ont pas donné ci, ils m'ont pas donné ça. Tu leur donnes tout, puis ils chialent encore. C'est ça. Tu leur donnes tout, puis ils chialent encore. Puis on peut constater que plus tu vas leur donner, plus ils vont chialer. Plus chialent, c'est ça. Bon, alors c'est la même affaire pour les humains. Par exemple, là, on a des compagnies qui font des profits, ils donnent des dividendes. Donnent des dividendes, année. Il y a une année où ça va mal. On te remplace le conseil d'administration. Bien, pourtant, ils ont donné des dividendes pendant 5-6 ans. Je regardais au CN, on est allé faire une rencontre au CN, le gars il disait que cette année, ils font un petit peu de profit. Qu'est-ce qui se passe? Le syndicat, il s'en va en grève. Ben oui. Ça fait des années qu'ils n'en font pas, là. Ils en font un peu. Parce qu'ils font un petit peu de profit. Il faut qu'ils remboursent les dettes. Bien, ils ont des milliards de dettes. Mais ça, on oublie ça. Ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Puis là, s'ils donnent pas, ce syndicat, ils donnent pas ce qu'ils veulent, là, ils vont faire la grève et ils vont mettre la compagnie à terre. Mais oui. Mais... C'est immuable. Le CN ne peut pas faire faillite. Oui, ça, je suis d'accord. De l'extérieur, mais nous autres, non, mais ici, on sait... Est-ce que Paname peut faire faillite? Pardon? Paname, c'est la plus grosse compagnie de transport aérien au monde. Ben oui. Ben, ils ont fait faillite. Non. Dernièrement, le Canadien Pacifique a fait une offre d'achat au Canadien National. Moi, je pensais que c'est l'inverse. Ils veulent acheter le gouvernement. Alors, imaginez que les employés... Mais les gens ne sont vraiment pas conscients de l'affaire. Mais ils jouent quand même dans le but de se mettre à la... Parce qu'à un moment donné, il faudrait créer, je ne sais pas quoi, là, en tout ce qu'on sait, là, on devrait être l'élite mondiale. On devrait être le chef de file de tout ce qui se passe, là. Oui, parce que tu... Qu'est-ce qu'on est? On est des balayeurs. On n'est même pas des balayeurs, on est rien. On est le balai? Oui. Bon, là, je fais plaisir. Mais c'est un fait. Ça n'a pas d'allure. Ça dépend. Avec tout ce qu'on sait, là, depuis... Tu nous donnes plein de choses. Comme ça, là, c'est génial, ça. Qui va l'appliquer? Personne. La stratégie de la compagnie? Pas grand monde, ça, c'est certain. Ben oui, puis toutes les PMC+. Ou la première partie, par exemple, ce sont des mécaniques qui font que les gens vont arriver au succès. Qui va l'appliquer? Ah, oh, on va appliquer 4 sur 5, 5 sur 6. C'est mais ça. Qui va appliquer? Pour être sûr que ça ne fonctionne pas. Qui va appliquer 100% de la chose? Qui va vouloir se former pour appliquer? Qui va aller chercher? Qui va lire? Qui va s'organiser? Je demandais dernièrement à une personne, par mois, combien de fois vas-tu en bibliothèque chercher des livres pour améliorer ta condition? La personne, elle essaie de vendre, par exemple. Tu as lu combien de livres sur la vente? Sur la gestion? Ouais. Sur l'entrepreneurship? Tu as lu combien? Il y en a en bibliothèque, là, si tu n'as pas d'argent pour en acheter. Mais combien tu en as lu? Ah, c'est vrai que je devrais en lire. Ah, c'est drôle parce que... Un an après. Semble que tu devrais. Moi, je suis toujours en train de fouiller. En bibliothèque, dans livres, carrément dans l'astral, mais je suis toujours à la recherche. Et je connais d'autres personnes qui avancent, mais ils lisent. Ben non, ils se connectent. Mais les autres personnes, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai déjà lu un. As-tu pris des notes dedans? As-tu souligné? Non, il n'était pas à moi. As-tu pris des notes à part? Ah, ben j'avais pas mal tout appris. Tu sais, va passer le balai, effectivement. Ou bien non, oui, tiens-toi mais... droit, là, puis va te virer de bord. Puis... Il doit y avoir des choses, ou quelque chose qu'on... Parce que on se conscientise. Il faut que la là... personne arrive au pied du mur. C'est ça, la solution. Tant que les gens ne seront pas au pied du mur, il faut que les gens se mettent au pied du mur. Ça, il y a des stratégies, ça s'apprend. Pour être au pied du mur, sans être dans la rue. Ou bien, il va falloir attendre que la vie les mette au pied du mur. Mais les gens doivent arriver au pied du mur. Il y en a qui arrivent là par hasard. Ah oui, la majorité. Quand vous allez être au pied du mur, vous allez commencer à être bon, à être bonne. Mm. Il y a une façon de se mettre au pied du mur, sans tout perdre, puis il y a une façon ou l'autre, c'est d'attendre que la vie nous mette au pied du mur. Ça peut être une guerre, ça peut être une récession économique, ça peut être plein d'achats d'affaires, de choses. Ah, je sais. Eh oui, tu le sais, parce que toi, tu t'es ramassé au pied du mur. Ça fait qu'il y a une personne qui m'a interviewé de temps en temps. Il s'appelait Charles Villeneuve. Il a fait de l'argent. Et à un moment donné, ben, il commence à se conscientiser. Alors, évidemment, il a tout perdu. Et il a été au pied du mur. Et quand il a... Ça a pris des années avant qu'il se ramasse au pied du mur. Et quand il s'est retrouvé au pied du mur, je suis certain que si... il analyserait, s'il écoute la première partie de la conférence, par exemple, puis qu'il analyse les critères que j'ai nommés, je pensais dire il les fait tout. Et aujourd'hui, il fait plus d'argent qu'il n'en a jamais fait. Hmm. Et avant, il en faisait, là. Aujourd'hui, là, oubliez ça. Il peut vous acheter toute la gang. Mais il était rendu au pied du mur. Et quelqu'un va dire, il était au pied du pied du pied du pied du pied du mur. C'est faux. Il était au pied du mur. Toutes les fois d'avant, il était dans l'illusion du pied du mur. Mm. Mais il y avait la sécurité. Mais la journée qui a un but, qui était déterminé, qui s'en est servi pour le mettre dans la balance, qui a fait exactement ce que j'ai dit, je suis certain que s'il écoute, il va effectivement être capable de se dire, ben, t'es, c'est effectivement, c'est en plein ça. Et aujourd'hui, il réussit. De A à Z, il réussit. Oui, Même chose, pied du mur. Mais ça, c'est la vie qui l'a amené au pied du mur. Moi, je sais qu'on peut s'organiser pied du mur. Puis après ça, on va foncer, on va agir exactement comme les gens qui sont au pied du mur et qui réussissent. Mais ce n'est pas nécessaire de vivre les situations qu'ils vont vivre. Mais non. Mais il faut utiliser les mêmes mécaniques. On ne peut pas jouer. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de un peu de... Je joue un peu comme si je me fonctionnais, puis je fais un peu comme si je manquais mon coup. Mais je vais rester là fixe. Il faut faire ou ne pas faire. Mais un ou l'autre. Si on fait à moitié, ou si on fait au trois quarts, ou si on fait à 99%, on ne fait pas. Il n'y a même pas d'essai là-dedans. C'est, tu le fais et tu y vas. Puis les gens qui font ça réussissent toujours. Mais les gens, pour faire ça, doivent être au pied du mur. Alors, on s'organise pour se placer au pied du mur ou on attend de se faire organiser pour être placé au pied du mur. La conscientisation, c'est la même chose. Les gens commencent à se conscientiser quand ils sont rendus au pied du mur. C'est une drogue, ça. Mais ça dépend. Tout est une drogue, puis tout n'en est pas une. Ça dépend comment tu l'utilises. Non, mais il y en a beaucoup qui se conscientisent comme une drogue. Oui, mais le travail peut être une drogue. L'argent peut être une drogue. Ouais. L'amour peut être une drogue. Les enfants peuvent être une drogue. Ouais, ouais. Les loisirs peuvent être une drogue. Et en même temps, ça peut ne pas en être une. Ce sont des outils, il faut utiliser les outils. Pour utiliser les outils, il faut voir à quoi ils peuvent nous servir, puis il faut toujours être capable de les évaluer. Bon, j'ai un marteau, je le traîne avec moi, c'est pesant, c'est pesant, c'est pesant. Ben, c'est un peu comme l'histoire du Newfie. Bon, moi, quand j'ai chaud sur la route l'été dans mon automobile, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ouvre la fenêtre. Le Newfie, ben, il se promène dans le désert avec une porte. Mm. Parce que s'il est trop chaud, ben, il ouvre la fenêtre. Il ouvre la fenêtre. C'est ça. Mais la porte, tu pourrais peut-être la laisser tomber. Là. C'est plus nécessaire. Ou l'autre épée, il se promène dans le désert ou dans la jungle avec un enclume. C'est la même chose. Quand il était forgeron, il l'amenait avec lui, il travaillait. Là, il est rendu dans la jungle, il l'amène. Pourquoi? Parce que s'il y a un lion qui part après lui, ben, il la jette à terre, comme ça, il court plus vite. Mais c'est les mêmes stratégies. Écoute, t'en as pas besoin de ton maudit enclume. C'est une illusion de l'affaire. Moi, j'aimerais briser, là, ils disent que nul n'est prophète dans son pays. J'aimerais ça briser ça. Oui, mais j'aimerais c'est ça être reconnu de l'intérieur pour pas que ça vienne tout le temps de l'extérieur. Ça n'a pas d'allure. Les grosses compagnies multinationales sont en train de te reconnaître les produits qu'on offre, alors que même à l'intérieur, là, le monde ne sont même pas sûrs que c'est bon. Puis c'est génial. Mais nul n'est prophète s'ils dans son pays. S'ils réussissent dans la vie, c'est parce qu'ils ont suivi des cours. Mais non. Non. Oui, il y a des gens qui viennent ici, qui suivent des cours, après ça, ils vont suivre des cours ailleurs, puis là, ils se rendent compte comment c'est extraordinaire ailleurs. Ben oui. Mais ici, ils étudient les autres autour, ils se rendent compte que personne n'a rien compris. Eux, s'ils ont tout compris ça, c'est grâce aux cours qu'ils ont suivis ici. Ben oui. Et non pas aux cours qu'ils suivent là. Mais ça, c'est comme ça que ça se promène. Oui, mais il faudrait trouver un moyen de changer. Ton ça. Père est un héros. Tout le monde le sait. Sauf toi. Ouais. Nul n'est prophète dans son pays, c'est la même chose. Ça, on ne cassera pas ça tout de suite, c'est dommage, il faut que les gens se prennent. Le mois prochain. Peut-être. Au PMC+, je vous mets au courant. C'est mettez à PMC+, on parlait de métacognition, mais on va simplement mettre sur table toutes les structures qui constituent votre stratégie de pensée. Donc, c'est ceux qui ont fait le cours métacognition, c'est la résolution de problèmes, ça n'a rien à voir. Alors, de métacognition, c'est évident. C'est intéressant que vous y soyez parce que toutes les mécaniques de votre pensée, on va toutes les détailler au complet, au complet, au complet, au complet, au complet. Comment ça marche chez vous, comment vous apprenez, comment vous utilisez l'information, comment vous vous souvenez, comment vous ne vous souvenez pas, comment vous êtes charrié, comment les contacts se font dans votre préconstitution d'ego. La mécanique complète de la pensée. Ce serait intéressant que vous y soyez parce que c'est un outil phénoménal d'être capable de savoir comment vous êtes structuré pour être capable de vivre dans votre tête. Puis si tu vas dans le jungle, amène-toi un enclume, amène-toi un gars qui court plus lentement que toi. Comme ça, si tu rencontres un lion, tu te pousseras, le lion va attraper l'autre. Moi, je me serais amené plus vite. C'est correct. Ah, tu peux amener plus vite aussi. Alors là-dessus, à la prochaine, tout le monde. Encore les plus